Alors, bonjour ami Verseau, nous allons voir maintenant quel va être votre tirage du mois de mars 2023. Donc, quel est le message? Évidemment, ce ne sera pas un long tirage détaillé. On va essayer de demander un petit peu quel est le conseil de l'oracle de Béline pour vous au mois de mars 2023. Alors, déjà, la coupe, elle est magnifique. J'ai Vénus, j'ai Jupiter, la passion et la renommée. Donc, apparemment, ben, vous allez bénéficier de beaucoup d'attention, de beaucoup de personnes en même temps. Donc, soit vous allez rencontrer un grand succès amoureux, affectif, soit un grand succès public. Donc, c'est déjà super bien parti pour vous, les Verseaux. Alors, quel est le tirage? Parce que ça, c'était la coupe. Donc, on va voir la suite, la coupe qui nuance le jeu. Alors attention, il y a quand même une mise en garde. Oui, donc vous avez une belle possibilité d'épanouissement, beaucoup de satisfaction personnelle, épanouissement socio-professionnel également au mois de mars. On voit ici que vous aimez ce que vous faites, que apparemment vous allez attirer à vous des encouragements, voire des applaudissements pour certains. Et par contre, attention, parce que on dirait que vous pourriez être déçu malgré tout par une promesse financière non tenue. Profitez pleinement de tous les encouragements dont vous bénéficiez. Vous risquez d'être un peu appelé de partout, mais en même temps, méfiez-vous tout de même peut-être d'une augmentation d'un prêt, d'une promesse que l'on peut vous faire et qui ne sera pas tenue. Donc, gardez pour vous tout le côté satisfaisant pour votre ego, et puis parfois on en a besoin, et donc c'est très bien, mais on dirait que financièrement les choses ne suivront pas tout à fait, ne seront pas tout à fait à la hauteur. Donc voilà, bon, en tout cas c'est pas bien dramatique tout ça, globalement c'est quand même un bon tirage, et vous allez passer un bon mois de mars. Alors à bientôt!